émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine, et j'ai même envie de dire pour deux semaines, car ça vient de tomber à l'instant. Yes. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. AFP. AFP de Villiers-le-Bel qui vient de tomber, voilà. Directement. Il n'y aura pas une, mais deux semaines avec Monsieur Lino. Bienvenue, comment ça va Lino? Ouais, ça va et toi? Eh ben écoute, j'ai envie de commencer par bonne année, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais, bonne année à toi aussi, bonne année à tous les auditeurs, les auditrices, tout le monde. La santé, la France. Le succès avec Requiem. Oui, on espère. Bah ça, attends, ça passe bien pour l'instant. Yes, oui, ça va. Tu découvres un truc, avant à l'époque il n'y avait pas les précommandes, des trucs comme ça, tu vois. C'est... Et le mec il me parle en disant un dinosaure. Mais je sors d'une époque révolue. Il y a en effet ce côté dinosaure. Glace de glace de glace. Avec un autre collègue dinosaure qui est là, le frangin. Ouais, il y a Calvo. Calvo qui est là, monsieur Tequila est là aussi. Tequila aussi. Ça va bien. Et Tefa donc qui fait partie d'Arsenic. En formation. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Formation, ouais. Gros, c'est marrant. Le quatrième. C'est la partie franc-maçonnique. Eh ben, bienvenue à vous tous. Ça commence fort. Bienvenue à vous tous, les messages, allez-y avec le hashtag Lino sur Skyrock, Lino qui nous délivre. Bah voilà, un bel album, il a fallu attendre. Pour l'avoir, cet album solo. Il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre pour les bonnes choses. Ça, yes. Et là, on n'est pas déçu. Il s'appelle Requiem. On va pouvoir le découvrir tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Ouais, on espère. Et tu sais qu'il y a 15 jours, donc hein, c'est bien. Ouais, on va travailler ça bien. T'inquiète pas. On va avoir le temps. On va parler de hip-hop. On va parler de musique. C'est important. On va avoir le temps, en effet. Pour recentrer sur certaines choses, la musique. Pour recentrer sur la musique. Pour recentrer aussi sur cette histoire du rap français que vous avez écrit. Parce que tu me disais dinosaure. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin. Ah, moi, c'est pas moi qui a dit dinosaure. C'est toi. Et si après, tu me dis, ouais, j'ai l'impression que c'est l'âge de glace. Ah oui. Non, moi je suis pas. Moi je suis. Non. Mais parce que mine de rien, c'est la dernière sortie, c'était quoi? C'était Noyau Dur pour. Non, c'est Bisson à Bissot. Ah, Bissot. C'est vrai, il y avait Bisson à Bissot qui était en sorti. En 2000. Je sais plus c'était. En 2002. Non, il y avait l'album pas validé, mais c'était une sortie aussi. Ah non, non, ah, non, oui. Ouais, d'accord. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Radio Bitume. C'est vrai qu'il y a eu Radio Bitume. Bon, c'est un demi-validage, donc. On le compte comme un demi-fig, mi-cassis. Donc demi-dinosaure. Demi. Non, non, ouais, c'est vrai. Moi je dis Bissot, mais en fait, il y a Radio Bitume qui était. Et le dernier album en date, c'était Radio Bitume. Mais tu le considères comme un album aussi? Non. Parce qu'en fait, c'était pas parti pour être un album. C'était parti pour être ce qu'on appelle aujourd'hui une mixtape, même si c'est un mot qui est un straight peu... CD. Ouais, voilà. C'était pour montrer ce qu'on pouvait faire à l'époque. Que tu étais toujours là. Ouais, voilà, toujours présent. Exactement, et tu as trouvé les mots. Et puis sur ces années, avant toute chose, je pense que t'as vécu aussi, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps, on dit t'as pris un peu de retrait, on t'a pas entendu. Oui. Pourquoi t'as pas sorti avant l'album, machin, mais je sais pas, c'est quoi ça, voilà, c'était quoi vivre? Ben tu vis, mais il est devenu fort. Mais t'as compris le truc, voilà, l'expérience. Il faut vivre, il faut apprendre. Il faut élargir, tu vois, le panorama, faut regarder les choses. Moi c'est ce que j'ai fait comme pour les mecs des années 70, j'ai fait comme Kung Fu. Kwai Chang Kane. Le gars, c'est. Non, mais c'est vrai. Monastère. C'est vrai. Et c'était joué par David Carradine. Non, mais je veux faire plein de. Alors, allons-y, parce que en plus, attends, le mec, c'est vrai qu'on signait pour essayer de battre Lino, c'est très fort. Je me démerde. Et voilà, ça dépend quel cinéma. Pour toi. Non, voilà, tu vois, il fallait apprendre, il fallait regarder les choses et j'ai appris, voilà. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, en fait, je reviendrai pas. J'aime bien ma vie. Non, jamais. J'ai toujours su que j'allais refaire un album ou qu'on allait refaire un album avec les frères. Ça, c'était clair que c'était comme ça, c'était le deal. Mais après, bon, voilà, après toutes les péripéties qu'il y a eu après les albums qu'on a fait. Donc, le fait de se retrouver après, comme ça, sans contrainte de sortie de disque et tout ça, donc oui, parce qu'après c'est vrai qu'il y a plus non plus les labels qui te mettent la pression, voilà, tu sortes un album tout de suite, faut machin, exactement, donc sans contrainte, bon, on s'est permis de faire ce qu'on avait envie de faire et voilà, maintenant on le sent et on revient. Et bah, de retour avec cet album qui s'appelle Requiem. Il sort dans une semaine, hein. Il est déjà en précommande. Le 12. Parce que tout à l'heure, tu te moquais, mais c'est vrai que maintenant, il y a les précommandes, Lino. Ouais, ouais, il paraît. Il faut aller cliquer pour le précommander, hein. On peut l'avoir en digital. Il paraît. Ou avoir le support physique pour ceux qui aiment bien aussi le support physique. Yes. Allez-y. Ouais. Et puis, ça se passe très bien la précommande, donc merci. Ouais, bah, ça, à tous bah, ceux ça, qui ont le 5e, 6e, sous, hein, ouais, 5e, sous contrôle 6e. D'un huissier, il y a le. C'est parfait. La précommande se passe bien. Alors, pour bien expliquer quand même, parce que bon, Calbo on connaît, Tequila aussi, pour ceux qui suivent avec Armando Toxic depuis un bon petit moment. Yes. Qui fait partie de l'écurie Arsenic. Ouais. Teufa, le rôle de Teufa. Bah, Teufa, c'était mon bras droit, mon bras gauche, mon orteil droit. C'est le. Ouais, voilà, on a fait l'album ensemble, quoi. On a fait l'album ensemble, c'est C'était quoi? C'était le travail de réalisateur? Bah, c'est sur les c'est albums, le, c'est là, c'était plus, en vrai. Non, mais c'est moi qui parle, alors si tu parles à ma place, c'est pas bon. Non, après, je te laisse passer. Je te laisse parler, mais c'est, là, c'est l'oreille extérieure, l'œil extérieur à ce que je fais, parce que moi, j'ai souvent travaillé, surtout sur les solos, tu vois, j'étais un peu en autarcie comme ça, moi, donc ma vision à moi, donc c'est bien. Moi, je voulais travailler avec Teufa, parce que je connais sa vision, je connais son boulot. Je connais son travail, je sais que le gars il est sérieux dans son truc. Et je voulais un regard extérieur à ce que je fais. Et bah, ce regard donc, extérieur. Tu peux dire un truc, Teufa. Tu peux donner ton, merci. Ton regard et ta voix extérieure sur ce projet. Non, je douane moi. Je suis la douane ouais, voilà, la douane franco-suisse. La douane volante. La douane volante. Ouais, mais moi mais déjà. Vous avez bossé déjà ensemble, enfin, ouais, vous depuis longtemps. On avait fait des titres déjà à l'époque, mais. Moi c'était vraiment un travail de fan en réalité, parce que moi le travail de Lino c'est un truc qui me plaît depuis longtemps. J'ai grandi avec lui, c'est-à-dire nous on a grandi j'ai ensemble. J'ai cru qu'il allait dire j'ai grandi non, avec non, lui. J'ai grandi comme avec s'il lui. Voulait dire qu'il était plus jeune non, que moi, non, c'est pas vrai. Je dis j'ai grandi, on a grandi avec la même musique, et je pense qu'on a posé pas mal de fondations du rap tous ensemble. Et je pensais qu'il fallait qu'il ait l'album à la hauteur du mec, quoi. Donc on a travaillé longuement pour obtenir ça. Donc une fierté quand tu l'écoutes là l'album. Ah ouais, moi je trouve que y a rien à redire. Et bon, on va pouvoir écouter des extraits. On débute avec un morceau, tiens, justement, c'est le morceau qui est arrivé il y a quelques jours de cela, de Rêve et de Cendre, avec yes. Manon, qui est une jeune fille, hein, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle yes. Mutine. Ouais, c'est une super artiste, et d'ailleurs j'invite tout le monde à aller voir les vidéos de Mutine, c'est vraiment bien. Et bon, c'est un univers totalement différent. C'est parti, yep. C'est le Planète Rap, Lino, toute la semaine. Dis-moi à quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi à quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. Au bord du monde, je regarde le gouffre, et le gouffre me regarde aussi. La faim tarde, ça sent le soufre, et la tumeur a grossi jusqu'à mon dernier souffle. Je lutte l'image hardcore, on se la forge. Je voulais brailler encore, mais le cri est mort dans ma gorge. J'ai pris un cahier, je gratte mes plus belles colères. Pas des mots d'excuses perdus dans le système solaire. Mes textes fusent loin des rimes scolaires. Je verrai où les BPM me mènent, parce qu'ici tu peux être qui tu veux à part toi-même. Les semaines, les mois, les années brûlent des fils, on passe des heures. On n'est plus des gosses, l'âge adulte c'est comme le cimetière des rêveurs. Petite, le prince charmant a pris la galanterie sur YouPorn. Son mari cherche l'amour à pas cher, pendant qu'elle bouponne. Blessée dans la chair, les cœurs sur messagerie, sentiment, dièse, 31 dièse, la faucheuse met sa plus belle lingerie. Avant crever anonyme sans caméra, maintenant c'est les strass qui nous tuent. Tu crèves quand même, mais tu passes sur YouTube. J'ai assisté aux funérailles de la démocratie. On couvrira pas les actes de Fofana avec le rire de Marcy. Profaya, je rêve de tuer une étoile comme le médecin de Michael. Donne-moi une raison de plus y croire ou ferme ta gueule. Des villes sous assistance respiratoire, je salue la résistance. Compte à rebours avant la troisième guerre, je me fais du pur. C'est de la pensée de distance. La révolution sera pas facebookisée, mais faudra se rendre à l'évidence. On avance tous déguisés. À défaut de vivre, on simule. On se défonce pour la sensation. De l'autre côté du globe, on s'immole. Les murs se dressent, voulez les défoncer. Maintenant, je me contente de passer au-dessus. Le temps est persuasif comme un flingue et des sourcils froncés. Et si la guerre se gagne, le ventre vide. Fatigué de perdre, l'oseille achète des petites victoires. J'ai dû le comprendre vite. Alors on prie un peu ou mal, cherchant le coupable partout, sauf dans nos classes. Dédicaces. Casse au bar HLM où on a fait nos classes. Dis-moi à quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier,

Ah oui, encore sous contrôle d'un huissier. Quand vous parlez sous contrôle d'un huissier, vous serez numéro un ce soir, Inch'Allah. D'ailleurs, ça t'a fait quoi? Parce que bon, on va pas revenir sur le côté âge de glace et tout, mais Lino, toi, de revenir dans cette nouvelle façon de vendre la musique quelque part, parce que toi, à l'époque, t'as connu la grande époque Arsenic, Sector A. Ouais, il y a eu, voilà, où ça se passait uniquement par CD, peut-être même par vinyle à l'époque. Ouais. Fait... avec le truc, le manche disque. Les manches disques à l'époque, ouais. Mais c'est un truc que t'as abordé comment, toi? Parce que ça fait aussi partie naturellement. Mais attends, frère, quand même sans faire de musique, au-delà même de la musique, on a des smartphones, on a tout ce bordel, donc on sait comment ça fonctionne aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ce qui change, c'est la consommation de la musique, tu vois. Au-delà même de tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la consommation de la musique, tu vois. On est un peu, c'est des consommations qui sont assez courtes, quoi. Tu vois, les gens, ils ingèrent la musique et ils la recrachent très vite, quoi. Et puis, ça peut être juste un morceau, parce que c'est vrai qu'avant, on travaillait aussi sur l'album, sur la façon dont s'enchaînaient les morceaux. Voilà. Toi, tu l'as aussi bossé, j'ai l'impression, quand même. Bien sûr. Mais moi, je travaille toujours un peu, dans les vieilles marmites. La bonne soupe. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est important aussi d'écouter les disques. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens aussi. Mm. Tu vois, c'est important d'écouter les disques. Dans l'intégralité. Écouter les disques dans l'intégralité, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il faut pas, on fait pas de la musique fast food, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que t'as voulu aussi expliquer en prenant ton temps. Même si c'est pas spécialement accessible, il faut écouter, faut prendre le temps. Quand tu l'as acheté, si tu l'as téléchargé, bon. Il n'y a pas coup qui marque. C'est pas mon problème. Il y a Fred, il croit que Lino, il bicrave encore des cassettes. C'est vrai que j'avais oublié la période cassette aussi. Non, mais quand je dis ça, c'est pas pour faire le jeu de glace, mais je trouve que t'as ce recul-là, en tout cas, t'as ce regard-là. Bah parce oui, que toi, t'as vécu aussi directement ces années qui ont été fast pour la musique, qui ont été. Non, mais bien sûr. Le disque d'or à l'époque, c'était pas 50 000 comme maintenant. Ouais, c'était 100 balles. Bien sûr, mais c'est normal. Mais après, il faut s'adapter aussi à l'époque, mais il faut pas non plus oublier ce qu'on faisait de bien à l'époque et ce qu'on fait de bien aujourd'hui. Il faut allier les deux, quoi. Je suis de loin, ne sais pas pourquoi. On a essayé de te censurer. on va te retrouver maintenant sur. Esprit, es-tu là? Esprit, on va te retrouver. Je suis en mode Fandor. T'es qui là? On va te retrouver sur le morceau VLB maintenant. Ouais, t'as le droit, mon frère. C'est une SACEM. C'est vrai que ça n'a pas changé. Bah oui. VLB, c'est pour Villiers-le-Bel. Ouais, voilà. Sixième chaudron, toujours. Voilà, c'est un morceau, parce que ce morceau-là, il a été mal compris par certaines personnes. Ils ont dit, on fait de l'apologie. Il y a des mecs qui ont dit, on fait de l'apologie, des trucs, je sais pas quoi. J'ai rien compris au délire. Mais quelle apologie? Apologie des trucs rap racailleux, mais j'ai pas compris. Ah, violence, ouais, voilà. Mais en fait, nous, ce qu'on exprimait dans ce titre, c'était notre jeunesse à Villiers. C'est ça que on était un peu racailleux. Plus la sienne, parce que je suis encore jeune malgré ma barbe. D'accord. Lui l'observait de loin. Ouais, mais voilà, en fait, VLB, c'est ça. On parle de notre jeunesse avec mes potos et tout ça. Et donc, c'était pour exprimer un peu ça. C'est un petit... des beepers, des cabines téléphoniques. Bah, d'ailleurs, bah ouais, les mecs disent, tu fais de l'apologie, mais j'ai un beeper dans le titre. Bah oui. J'ai un beeper. Ouais. Les mecs, ils se baladent encore avec les beepers. D'ailleurs, dans le clip, il y a une cabine téléphonique. On a galéré à trouver. Une carte de téléphone. Il y a beaucoup de monde qui vont dans les cabines téléphoniques, frère. Là, vide-moi. Allez, VLB maintenant. Yes. Yes! Yes! Yes! Oh. Yes! Yes. Billy King! Quand on évisse les baskets blanches huilées, Billy King! Quand on évisse les baskets blanches huilées, Billy King! Yes! Billy King! Yes! Quand on évisse les baskets blanches huilées, yes, Billy King, LB, Billy King, LB. Quand on a vu les baskets blanches, Billy King. fais à elle 3 heures. Encore suspect, béton, camouflage. Je vois les flics à 3 heures. Occupe les vis, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric, le béton crame en réplique. On les canne, lève le majeur. Pour niquer les rageurs. Pour sortir le gros qu'on chargeur. Plein dans les locaux, naseur. Renault troupe prend de la largeur. Le filtre maroco. La 90 Air Max, la joue Kaiser. Sauce et les fumes maroco. J'rappe à la faveur des halls explosés de nos vies locaux. Cartonnet, vis, les baskets blanches, gilet. Billie Jean. Billie Jean. Yes. Billie Jean. Cartonnet, vis, les baskets blanches, gilet. Billie Jean. Le 8-6 Bavaria, alcool blanc, rouge, alligator. Guerreville, si, commissariat, lâche la colle dans le split sur mon alligator. Y'a des bouettes, survêtre, roule un barreau. Roule, fais les fils du carrosse, un gourette, fil à chapelet, raccolle. Wesh le bête. Les paulettes, puis envie, ça s'arrête. J.M. Weston, Scott Cosmos, Carangi. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, et l'état dramatique. Soirée coup-gorge, yes. T'es sans terre, ERD, coup-gorge. Pompe puissant, pile à embrouille, pompe puissant, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, Billie Jean. 9, Billie Jean. Cartonnet, vis, les baskets blanches, Julie. Billie Jean. Billie Jean. Billie Jean. Yes. Cartonnet, vis, les baskets blanches, j'ai des Billie Jean. Gros cartonnet, blanche, basket, Fred Cartier, monture en bois. Grosse lancée, fly jacket, train de quartier, tricard, traîne toujours en bas. Villiane et Chirac, Manapani, Escalampe, l'équipe à l'ancienne. Balade en équipe, reste balade, si tu portes Calcani, et Lyonce. White Reebok, classique, pas de bout, tu peux te faire droiter si tu l'abîmes. Le point est gâté, bip bip, moi je te rappelle si je trouve une cabine. Je te paye si je trouve une combine. Sur la tête de mon Bob Lacoste. Viens, on va s'ambiancer. Combine, pose négro, on va ranger l'extincteur et la crosse. J'arrête le doigt, Billie Jean. Doigt, yes, Billie Jean. Cartonnet, vis, les baskets blanches, du nez. Billie Jean. Billie Jean. Billie Jean. Cartonnet, vis, les baskets blanches, du nez. Billie Jean. Billie Jean. Yes, Billie Jean. Cartonnet, vis, les baskets blanches, Julie. Billie Jean. Yes. Billie Jean. Arsenic. Billie Jean. C'est boss. Cartonnet, vis, les baskets blanches, Julie. Billie Jean. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. Cartonnet, vis, les baskets blanches, Billie Jean. Billie Jean. Billie Jean. Billie Jean. Cartonnet, vis, les baskets blanches, Billie Jean. Billie Jean. Wesh, Choupi. Faut aller dormir, hein. Arsenic. Bang. Monsieur Boss. VLB. Yes. Bienvenue au 6ème chaudron. Oscar. VLB à l'instant pour Villiers, le bel tequila, yeah. Présent ouais, avec Lino. Ça mérite un big up à tout secteur A, hein, ouais. Mr. Hammer, Stomy, Patsy. Ouais. Parce que quand même, ouais. Ça fait partie de cette. Neck Marron. Ouais, Neck Marron. Jackie Brown. Exactement. Père Brown. Singy. Bah tiens, vous deux, alors un peu moins un tequila, mais vous, les souvenirs, ce que vous gardez en mémoire de toute cette époque, l'époque Sector A, on citait tous les noms là à l'instant. Ah, rien. Non, mais c'était la bonne époque. De toute façon, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, faut pas oublier les bons trucs. Et justement, c'est toute cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à faire encore des choses bien. Et puis que l'aventure continue surtout. Voilà. Ça s'arrête pas là. Ah oui, mais les potos sont toujours là. On est toujours là, mon frère. Ah oui. On s'est revu à l'Olympia. C'était magnifique pour le concert de Ministère. Mmh. Ça voilà. S'arrête pas, ça s'arrête pas. Frère. Et puis là, une nouvelle page s'ouvre, là, en 2015, avec ce projet de Lino Requiem qu'on découvre tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. On va revenir dans quelques minutes. Il y aura du live, hein, je dis ça tout à l'heure. Il y aura du live avec Lino. Quand il dit ça, c'est toujours sous contrôle. Il y aura du live. Ouais, c'est que j'ai un doute. Il est pas sûr. C'est que j'ai un doute, mais je vais. Non, c'est bon, il y aura du live. Il y a un DJ. Oui. DJ Noise derrière. Noise est là. DJ Naz. Je l'ai vu. DJ Noise est au contrôle au platine dans quelques minutes avec vous. Qu'est-ce qu'on mettra d'autre comme morceau de Requiem, Lino? Ben, on va voir. Ah, c'est l'album. Ah merde, c'est quoi? Je vais mettre un petit peu de pub et on revient après, comme ça t'as le temps de réfléchir. Bon, on va réfléchir et on parle. Bougez pas. Yes. Calypso. Comme toi. Lino a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Bienvenue à vous tous, c'est reparti pour un nouveau Planet Rap. Premier Planet Rap de l'année 2015 avec Lino, non pas pour une mais pour deux semaines. Lino sera là avec son album Requiem qui sort lundi. C'est une sortie attendue hein, cet album de Lino, Requiem, le 12 janvier. Oui, on est back. Oui. Lino est là, Calbo aussi. Oui. Tequila, Teufa aussi, qui a évidemment bien bossé sur l'album. Yes. Il a travaillé. Ah, j'ai laissé 10 ans sur cet album. Okay. Il a travaillé. J'ai laissé 10 piges de ma life. Il est bon, j'ai l'impression que tu t'es filé à Lino. J'ai jamais trouvé aussi jeune Lino. Regarde, tu sais. Tu sais, ce que je perds, il le prend. Je mange des raisins, frère. Je mange des raisins secs. Tu les bois ou tu les. J'allais demander le secret de cet album. C'est donc des raisins secs. Civil a pris 10 piges en 2 jours. Auto, j'étais dans le soutien. Est-ce que toi d'ailleurs pendant les années où t'as rien sorti, Lino, tu continues à écrire régulièrement au quotidien? Ouais, bien sûr, parce qu'après il y a eu des compiles, ouais, des projets aussi. On a fait toujours des morceaux droite à gauche, aussi des morceaux des featuring en collaboration aussi avec des artistes, mais on l'a jamais. Tout ça se lâche pas le rap. Je veux dire, c'est pas. C'est un exercice, c'est discontinu, tu vois. Oui, mais tu peux à un moment justement qu'on parlait de vivre tout à l'heure, voilà, profiter de ta famille, de tes proches, faire d'autres choses. Mais je parlais de moi dans les projets, parce que quand tu fais un projet comme un album, ça te demande quand même une discipline qui est différente de venir faire une compile ou un morceau à droite à gauche, tu vois. C'est autre chose. Moi, il faut que je rentre, tu vois, il faut que je sois concentré sur mon truc et que je fasse mon truc bien, tu vois. Est-ce qu'il y a des sujets que t'as été repioché, justement, des trucs que t'avais écrits il y a quelques années? Non, je ne pioche pas. Que t'as remis au goût du jour? Il y a des morceaux de radio, enfin des morceaux. Il y a Wolfgang que j'avais fait sur Radio Bitume. Mmh. Ouais. Qui était sur une prod de Jimmy Finger, on a refait le truc. Ouais, on a terminé le morceau parce qu'il était pas abouti sur Radio Bitume. Tu vois, il y a quelques trucs comme ça qu'on a pu reprendre. 12e lettre aussi. 12e lettre. Qui a parlé? Parce que je vois pas qui parle. Stevie Wonder. Non, parce que j'étais malin, mais j'entends des voix. Ça venait de ta droite. Non, le coup partait de la droite. Exactement. 12e lettre dans le même schéma, mais vraiment 12e lettre, c'est différent parce que c'était vraiment une petite intro, enfin même pas intro, un truc balourd que j'avais fait dans l'album et qui était archi pas terminé, quoi. C'était collé à un autre morceau, quoi. Et d'ailleurs, c'est les deux frères qui me l'ont amené parce que lui, il me l'aurait jamais fait écouter sinon. Non, ça, ouais. Ils m'ont amené au studio un jour, j'ai pris un choc. C'était une trouvaille, on était obligé de ressusciter le disque dur. Ouais. Tu vois, parce que bon, il y avait des morceaux de Radio Bitume qui étaient très puissants et très méchants que personne n'a entendu, frère. Donc il fallait les mettre au goût du jour. Personne. Ah oui, tu vois. Non, bah oui. Il y a quand même 4 mecs qui l'ont acheté. Avec le poteau gris, on est obligé de faire un taf. Pour respecter les 4 mecs qui ont acheté le disque. Toujours. On va écouter donc maintenant ce morceau qui s'appelle Wolfgang. Ouais. Wolfgang. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, le clip, pour ceux qui verront le clip de Wolfgang. Très beau chapeau aussi. C'est la suite d'un clip qu'on avait fait avec Lino et une artiste qui s'appelle LFDV. Oui. Qui s'appelait Papa ce soir remix. Et j'invite tous les gens à voir le clip parce qu'il y a un petit clin d'œil qui passe d'un clip à l'autre. Ouais, une grosse dédicace à LFDV qui est une très grande artiste aussi. Ouais, La fille du voisin. Non, LFDV tout. Ok. Alors balance le morceau. Je voulais écrire une merde positive, mais mon style refuse. Pour ceux qui voient la rue comme une mer, mes mots fusent. Au kilo, c'est mon refuge. Le rap, je traverse l'enfer sans ventilo, sans clim. Macadam philo, Beretta Franklin. Mon arme chante et je marche seul comme dit l'autre. Je vous laisse rêver d'un monde sans crime. Crevé, je m'arrache sur mon îlot, douleur sans cri. Je suis revenu du brasier en footing. Je diffuse mon savoir, je fais des drive by shooting. C'est mort, ça commence à se voir. Petite guérilla sur un son, bavard, je mets un nègre en or, un pack de balles en guise de poinçon. Je laisse cogner mes verres, j'attends la pluie de météore. L'air mort frappe un visage découvert, donc je reconnais mes torts et j'appuie où ça fait mal. Le fond, la forme, mon harmonie, y'a plus que des Tony, Manny, Nino et Jimoni. L'amitié, c'est money, l'amour se planque dans un parenthèse.

très bonne année à tous. Ouais. T'as vu, ah, l'année commence mieux, bien avec Lino, hein. C'est bah, écoute, c'est mieux, c'est mieux. Allô, allô, ouais. Ouais, Dolce, ouais. On t'écoute. Ça me fait vraiment plaisir d'être au Planète Rap de Lino, surtout. Yes, comme, merci, Dolce. Merci à toi. Je le suis depuis quelques coups de suffice, donc franchement, c'est cool. C'est un bon, toi, tu es un bon. Les toutes premières mixtapes, les toutes premières cassettes. Non, ouais, bien, exactement. Exactement. Bon, tu es prêt à rapper, Dolce, c'est parti. Ouais, ça marche. Session freestyle par téléphone, on y va. Choupi. Yeah, un. Dans ce bras, j'ai brassé les trahisons, c'est triste. Comme le chemin est tracé, blasé grave, m'en voulais pas, j'ai le phrase des défaitistes. Éduqué par les craintes du daron, je grimpe, gagne en masse du galon. Y'a ceux qui misent sur les bandits manchots, d'autres sur ceux au bras long. Je rappe pour la compète, tout est pipe et la plume qui me complète. Plus qu'impliqué, voir la foule rappliquer, soulager le poids de ma croix. Même si c'est fou, ma télé flamme débriquée. Voir mes idées noires abdiquées, même critiquées, j'ai pris le ticket pour le voyage le plus compliqué. Je kick le beat et plié, je suis son meilleur client. Comme ma passion est friande billet, je suis habillé par l'œil du triangle. Tout plié sur mon parcours, oublié vos schémas préconçus. La voyante perd la boule quand c'est la boule de cristal qui me consulte. Sous l'emprise de leur matraquage, j'ai pas le droit pour un rattrapage. J'écris, j'esquive les tirs dans ma carapace. Mais la stratégie avant la paix, le dé avant le trac. Maintenant, pack, c'est Dolce à Planète Rap. Yeah. Yes. Yes. Dolce à l'instant. Okay. Non, Dolce, il est là, Dolce, il est là. Non, j'ai chopé des choses. J'ai chopé consume, j'ai chopé consulte. Là, il y a des choses. Non, parce que, non, franchement, bien, le frère. Eh ben, bravo à toi, Dolce. Venez rappeler d'ailleurs toute la semaine avec Lino qui écoute très attentivement. Non, parce que ça, c'est important, la rime. Le schéma des rimes était impeccable, le frère. Cool. N'hésitez pas à vous inscrire 41759. On peut te retrouver sur le net, justement, Dolce, quelque part. Sur une page Facebook, la page Facebook de mon groupe. Donc des tracks, c'est grand, D-track, musique, voilà, sur Facebook. Et puis on a sorti deux projets. Là, je prépare un projet solo pour mars 2015. Il va s'appeler Pansement et Placebo. Voilà, donc... Yes. Donc je vous invite à écouter. Pansement et Placebo. Merci à toi, Dolce. Mais de rien. Merci, c'est une bonne soirée. Yes. Lino est là, yes. DJ Noise est prêt. Est-ce qu'on peut attaquer le live, messieurs? Lino, okay. Calbo, ah, on est impeccable. Tequila, vas-y, le frère. Tefa, si tu veux lâcher un 16. Ou... À mort. Tefa, il rappait. Il a un 12, Tefa. En 85. Il était sur Radio Nova, les problèmes. T'as les extraits ou pas? Tu les as gardés, Lino? Il rappait avec New Generation. Hein. C'est parti. Avec Sully. On y va. Yes, Sully Wax, dédicace. Arsenic. Yes. Yeah. Oh. Oui. La chose. Yeah. Wesh, Kero. Hey. Hey. Regarde la pêche, mon frère. Hey. Arsenic. J'ai le sourire tant que je manque pas de pied banque. De plaisir charnel. Yes. Blindé comme un tank pris sous le charme. I.N.O. gonflé comme une grosse paire de mamelles. Moi, le fric, ça me fait bander comme le poule à Julia Chanel. Demander à mes partenaires qu'est-ce qui fait tourner la planète. Le sexe, les bichetons, le pouvoir et les business. Manette, bise aux manettes. Rien que des proxénètes à vis. Les maquisards que j'ai eu, ils connaissent la devise. C'est net, brise les tabous. Qu'on se le dise. Au bout du rouleau, les chiens sont tabous, ils gisent. La boue jusqu'au cou. Ici, beaucoup mis sur les gros coups méprises. Le métro boulot sous emprise et joue du choku. Stitch, accuse des flammes. Convoitise des belles femmes. Sous le soleil de Satan, les anges sont infâmes. Satan, pire, on t'attend. Plus de billets. La devise, estropiée. La paix peut aller se rapier. La crise. Consumer le ghetto et ses rejetons. Le sort est toujours plus vicieux avec ce qu'on a rejeté. Les jetons, ça rentre, ça sort. La vie, c'est pas un feuilleton. Un long fleuve tranquille ou un putain de bouquin. Feuille des cueilletons. Blé, mec, d'emblée, tous les scalas se ressemblent. C'est niqué, il me semble. Et dans ce maquis, on crèvera ensemble la gloire. On en veut tous plus ou moins une parcelle. Et quand je regarde le miroir, le démon me harcèle. C'est noir et bifton. Si le respect passe par là, voilà ce qui fait courir l'escalade. C'est pouvoir et bifton. Si le respect passe par là, voilà ce qui fait courir l'escalade. C'est bifton. Yes. Yeah. C'est mieux 2-0-15. Oh. Arsenic. Boxe avec les mots. Yes. Oh. Arsenic. Hey. Musk Boss, Mike Wiem. Je boxe avec les morts, avec les morts, avec les morts, avec les morts. Vite mes frères sur le beat, le poison par le flow. Où la flow, mon flow fait swinguer la foule. Fait dans son air de la lame, le chant des fusils. Terre et mazin, c'est une époque à tanner un sein comme un usine. Rache la mort, j'accuse, arrache la muselière, cache. Mâche plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois. Ça, sur leur rage, c'est proche, ça verge, j'allais proche avant le clash. Le rassemblant, rien taillé dans la roche, attache. De l'importance au sens dans mes textes, ose poser. Misère en pause, puis exploser pour la bonne cause. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre. La PJ censure un rap moins violent. Choix, ce n'est guerre. Entache mon business, puis cache la vérité. Les coups sont mérités, c'est l'hôpital qui sous la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position. Faire opposition, ça me connaît, moi je veux cogner en pesant de la monnaie. Donner plus recevoir au bonheur m'a abonné. Je pense avec les mots, je vis aussi chaud. J'ai sur le dos à mort des barreaux. Les formules et autres, politesse, nous on s'en fout. Faut que tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Yes, bitch. J'évite le non-sens comme un virus. Super ça dans le ghetto. Comme à la roulette russe, les taux se resserrent, l'état met le veto. Les jeunes se mettent au rap préto. Ils frappent la résistance et prêtent au micro. Je deviens MC à métho. Les barreaux de prison, si t'enfermes l'expression orale. Nique la morale, le rap est sous pression quand l'inoral. Le pression de la gâchette ici ou le vicier. Mon album s'achète comme un 12 bien vicié. Serment la pointe des mots des frères de soigne. Mes mots en témoignent, si l'enfer est pavé de moines intentions. Que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte à texte violent. Mais voilà, j'ai pas joué du violon ou faire des rimes à la mort. Moi l'insolent, sur le rap fou. Crée le bootleg, moi le micro. Déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, Arsenic c'est pas une black queen. Quel kiff le single, laisse la tête au drag queen. Je force avec les morts, avec les morts, avec les morts, avec les morts. Vite mes frères sur le beat, le poison pour la flow. Où la flow, mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, boxe avec les morts. Je boxe avec les morts, avec les morts, avec les morts, avec les morts. Vite mes frères sur le beat, le poison pour la flow. Où la flow, mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je lui prête mes foules. Yes, ça quoi que je suis là pour charcler. Sex ou bombe ici au top pour charcler. Le hip hop attaqué, marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. On met pas dans l'alphabet, c'est des EFG. IJKL Arsenic. La douzième lettre, la lienne, le libre penseur. L'alerte, l'unique, le seul, la balle à ailette. Le lanceur de l'âme liquide, je t'allume, c'est de la reine. Allez, je me livre, salue la vie sur l'air de live and die melee. Là, c'est la lutte finale sans délai. Vite me soulage, l'âme à l'oral, fêlé, je suis l'élu, m'a dit l'aura. L'électron libre, j'ai l'aura, qui lui sous la lune lance des litres de lyrics. C'est les livres comme des lamelles dans la lune. Madame sous lyrics, c'est l'allure de 9000. Je rappe au feeling, il est gauche fil, j'allume, c'est du kill Billy. Ça fait kill kill, trilim de la ville, ça kill kill kill. Comme l'île de W, easy army. Je me lâche sur leur sale style, en leasing aussi. Milly, mec, le cash est l'illicite. L'ascar auquel je m'affilie. Ok, j'tape, j'milite. Le ciel m'a limite. J'suis l'élite des ruelles sur la liste des lyricistes qui te lynchent en silly. On lave le linge, ça l'enfant, Milly. Le poids des lettres au kilo du lourd. Là, c'est plus du rap, c'est de l'altéro. Philly, on live du lab. J'lave les textes et l'inspi actuel, pas ex-lutteur. Avec l'esprit malade à la Lex Luthor. J'entends fait entrer l'accusé. 65 BPM. J'viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN. Kiké, je brandis le micro, vous cliquez. Stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Madame a grandi, j'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rappe la foule, le cri est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur. Mon flingue, c'est compté jusqu'à 12. Yeah. Bang. Yeah. Eh ouais. Tch. Fini les gars? Eh oui, yes, t'es en train de kiffer. Commence doucement. Mais tu sais que c'est bien quand c'est comme ça. C'est là où on est. C'est là où on touche juste. Quelque quand tu dis, c'est fini, les gars. Ah ouais, c'est dedans, il était en concert, les gars. Ah oui, j'étais parti en concert. Non, mais là. Frère, on a deux semaines. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a deux semaines. On retient la sauce et voilà. Là, on lâche tout, on lâche tout à la fin. Ça a fait plaisir aussi de réécouter, que ce soit Boxe et Clémo, Sexe, Pouvoir et Bifton à l'instant. Yes. Des morceaux cultes que vous faites toujours en concert. Et est-ce qu'il y a une tournée d'ailleurs, Lino? Est-ce que tu penses déjà à la tournée ou c'est un... Ouais, ou c'est mais on tourne déjà depuis déjà quelques mois. Il y a des nouvelles dates pour l'huissier de justice. Il y a des nouvelles dates, mais là, c'est sous contrôle d'huissier aussi. L'huissier date. Pour dire les dates parce que j'ai pas toutes les dates. Si tu as les dates ou tu sais lire le français? Non, je lis l'araméen. Comment ça se passe? Donc je lis le grec. Les dates, nous allons les avoir dans un instant. L'ancien grec. Le temps pour moi de vous dire qu'on va faire tourner la roulette dans quelques minutes. Inscription 41759. Qu'on va retrouver Difool et toute l'équipe en direct là d'ici quelques minutes. On a le droit de rester avec Difool aussi. Bah, bien sûr que c'est comment. Vous avez 15 jours. Les dates qui laissent à avancer. Les dates sont là, mon vieux. Le reverso.net, c'est bon pour la traduction. Bon, c'est bon. Vous parlez l'araméen, vous comprenez tous. C'est bon. Vas-y, roule. Vas-y, balance. Le 9 janvier, on est au petit New York, à Saint-Félix, en Guadeloupe. Bon, ça, il n'y a que les entiers qui peuvent aller là-bas, les frères. Hein. Ici, à Paname, vous êtes en chien. Le 10 janvier, auditorium de Basse-Terre, en Guadeloupe. Donc, il y a deux concerts en Guadeloupe. Encore. Toute la tournée, c'est en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe, c'est tournée antillaise. Après, il y a l'île Maurice. Après, il y a l'île Maurice. Après 31 janvier, frère, l'Arena, Genève, ça c'est avec Ayam, je pense. Yes, big up Ayam. Voilà, le père Akash, yes, Shuriken, Akash, tout le monde. Shuriken, tous les autres. Voilà, le 7 février, Tetris au Havre, on mise check. Le 20 février, Paloma à Nîmes, on ne sait pas si c'est une diffée ou c'est. Vas-y, continue, Steve, continue. C'est la tournée la plus longue. Ah, la tournée. 28 trois dates, mais la plus. 28 février, poteau. Trois dates, une heure, poteau. Une heure, poteau. Je lis. Le mec. Ah, putain, merde. Heureusement que c'est pas 30 dates, hein, on est mort. C'est le Rhum, frère. Je suis en diffée. Non, demain, là, spécial de Arsenic, les dates de la tournée. Ah ouais, non, mais parce que là, il n'y a pas. Là, en fait, c'est pas. Il n'y a pas toutes les dates de la tournée. Ah non, attends, on continue, frère. Ah non, mais on attends, avait... 28 février, Vapeur, Dijon. Le 7 mars, Mediator, Perpignan. 2 et 3 avril, on est au Bono Placard en prison. Plus à l'escale, la Seine-sur-Mer. Le 4 avril, à l'étage, Rennes. 10 avril, Avignon. Yes. Lieu à confirmer. Huissier, continue. 24 avril, centre culturel du Château des Rochers, Nogent-sur-Oise. 23 mai, Calais, les frères. Donc, ouais, voilà. Non, et après, il y a d'autres dates qui arrivent. Voilà, et si vous n'avez rien compris, allez faire un tour sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Il y a un concert mercredi, au fait. On a oublié. Le showcase mercredi. Non, c'est le showcase. C'est ouais, la fête pour le lancement de l'album. Ouais, au Café de la Presse. Yes. Du Café de la Presse, à Paris. Ouais, oui, c'est à Paris, à côté, pas loin. Ouais, c'est avec Jackie Brown. Sébastien, je sais pas, j'étais au courant à l'instant. Non, c'est avec Jackie Brown. C'est pour l'émission de Jackie. Ah, c'est pour l'émission de Jackie. Méga pour frère. Avant de se quitter, est-ce qu'on remettrait pas un petit descendre des rêves et de cendres, pardon. De rêves et de cendres. Yes. Moi, je suis pour, moi. Ouais, moi aussi. Qui est pour? Allons-y. Unanimité. Yes. Je voudrais faire un big up à mon pote Mercus, mon pote Madani. Voilà, tous ceux qui nous écoutent, tous les mecs du 9-3, Seine-Saint-Denis, 9-5, 9-4. Il y a Kéro voilà. aussi qui est au placard, ouais. Force à toi, mon frère. Exactement, tous nos potes sont emprisonnés. Poto Gris qui est là, Kila Kali qui est là. Ah, mais c'est on part sur les Choupi, dédicaces. Voilà, je vais dormir. Je crois que plus vite pour les dédicaces. C'est bon, pour les dédicaces, c'est plus rapide. Et encore un gros big up à Manon qui sera là demain. Allez, on balance le morceau. Manon, elle est où, te fa? Dis-moi, tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi, quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. Au bord du monde, je regarde le gouffre, et le gouffre me regarde aussi. La faim tarde, ça sent le soufre, et la tumeur a grossi jusqu'à mon dernier souffle. Je lutte l'image hardcore, on se la forge. Je voulais brailler encore, mais le cri est mort dans ma gorge. J'ai pris un cahier, je gratte mes plus belles colères. Pas des mots d'excuses perdus dans le système solaire. Mes textes fusent loin des rimes scolaires. Je verrai où les BPM me mènent. Parce qu'ici, tu peux être qui tu veux, à part toi-même. Les semaines, les mois, les années brûlent des fils, on pense des heures. On n'est plus des gosses, là j'adore.

2015 démarre bien. Ah bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmo Tour de Soprano dans toute la France. Noémie de Banalec, ça va bien, Noémie? Ah, ça va, super. Mais je te présente Lino, il y a Calbo, il y a Arsenic, il y a Tequila, il y a Tefa. Yes. Enchanté. Bonne année, yes. Et bah, salut, bonne toi année aussi. À toi, Noémie, plein de bonnes choses. Et bonne année. On fait tourner la roulette, c'est parti? C'est parti. Juste avant de retrouver la radio libre de Diffoul dans quelques minutes. Ils sont de retour, je les ai vus passer là, ils sont en pleine forme. Stop! C'est Tequila qui fout le bordel à chaque fois. Noémie! Et eh ben voilà, tournée de Sopra. Pour toi, il y a deux places pour la tournée de Sopra. Super. Qui passe génial, près de chez toi. Merci. Deux places, on se dit quoi Nantes, par exemple? Ouais, Nantes, c'est très Soprano bien. Soprano à Nantes au mois de mars. C'est pour toi, il y a les deux places. Ouais, mais deux places pour la Guadeloupe, mon frère. Ah bah, c'est toi. Tequila, je te l'ai géré. C'est toi qui gères la tournée. Mais lui, deux places pour la Guadeloupe. Il me semble que c'est toi qui gères la tournée. Au frais de Sky. Ouais. T'as gagné deux places. Au frais de Tequila. Au frais de Tequila. Ouais, d'accord. On te fait un bisou, Noémie. Ciao. Yes. Merci Lino, merci Lino pour cette première merci, soirée. Merci les gars. On rappelle que l'album arrive lundi prochain dans 7 jours. Il est en précommande. Le 12, hein. Le 12. Ouais, il est en précommande. Donc, faut dire le 12 parce que, lundi c'est abstrait. C'est on le, sait 12 pas. Janvier. Le 12 janvier. Ouais, le 12 janvier. Ouais. Et continuez à nous soutenir. Merci pour tout. C'est vraiment super ce qui se passe. Merci à vous tous, merci Calmo. Tequila, demain tu seras là aussi? Demain je suis là, en forme. On fera plus vite sur les dates, on ira un peu. T'inquiète pas, là, demain il a 30 dates à dire. Il a d'autres dates, On les répète, Joe la date. Joe la date. On les répète ce soir, tranquille les dates. Ouais, t'inquiète pas. Rendez-vous demain un peu avant 20h, et là c'est Diffoul qui doit être là avec toute l'équipe. Et oui, on est là. Hello, hello. Un petit voyage en Bonne année. Ils le veulent la Guadeloupe. Ah bah c'est C'est la nouvelle année, on s'est dit, c'est le retour de Lino, c'est la nouvelle année. On va faire tourner la tequila roulette. Ouais. C'est ça. Bon, fais la tournée, mon frère. On va trouver des dates. On va trouver. Et ben, l'année démarre bien pour toi, Lino. Yes, tranquillement, on est là, bien propre. On a l'habitude, propre. C'est la maison. Oui, c'est ça, la maison. Bon, allez. Le retour. Ben, Lino, on te retrouve demain soir, 20h-21h dans Planète Rap. Ça marche, ça on a le droit de rester. Vous viendrez même faire un petit tour dans la semaine. La Marie, elle est toujours là. L'équipe de lui. Merci Lino, merci Fredo, merci Kila. Salut. Allez, bonne soirée. Et je vous renvoie Momo qui est très déchaîné car c'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire. Momo, on n'a pas prévu de cadeau. Si, c'est un cadeau. T'inquiète pas, c'est prévu, mon pote. C'est bien Cédric, toujours aussi pigeon. Pour l'acheter un iPad, Momo. Il est très agité, Momo. Et puis une télé aussi. Momo, toutes les deux secondes, il me dit: oh, je suis né il y a 54 minutes. C'est bien, Momo. Ah ouais, d'accord. Momo a 54 minutes, ce qui explique un peu son état, alors. C'est encore un grand enfant. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, nouveau-né. Eh bien, l'équipe est là, de retour pour cette rentrée 2015. Content de vous retrouver, vous aussi. On a démarré la soirée avec Lino et Fredo. C'était super, mais c'est pas fini. Dans un instant, ça continue avec. Ed Sheeran, le son d'Ed Sheeran pour démarrer cette soirée, mais pas que, hein. vous tous en direct. Rick Ross aussi qui est dessus. Bien joué Fredo. Mais qu'il est fort. Qu'il est fort ce Fredo. Cette F année, comme fort, F comme cette Fredo. Diffoul et moi, on va aller au concours, au championnat du monde des blind tests. Ouais, voilà, c'est ça. C'est nous, championnat du monde des blind tests. Et en équipe, nous allons tout remporter. Elino. Non, c'est Calbo. C'est Calbo. Ça va bien. Non, Elino, il est toujours là. Alors je me suis dit, c'est Calbo. C'est Calbo. La Marie. Ouais. J'ai vu un grand queblard rentrer dans le studio. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lino, il est déjà là. Je l'entends, il est là. Il a eu froid dans le dos. Ouais, ça va? Ouais, très bien. Bon, bah, bienvenue à toi. Magnifique. Et bien, vous aussi, venez débarquer sur Skyrock. Exact. Dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous nous appelez au standard. Il y a toute l'équipe qui est là déjà avec vous. Yeah. Sur le 41 759, pareil. Et donc, don't fuck, etc. Voilà. C'est Ed Sheeran qu'on va retrouver là tout de suite. Ed Sheeran pour démarrer la soirée et la radio libre en direct. Vous avez un truc à dire, vous avez un service à demander. C'est parti tout de suite. À demain, ciao, Fredo. Ciao. À demain, Lino. Ciao. Et Calbo, il est sorti. Ouais. Et bien, à demain, Calbo. Ciao. Premier sur le cash. 1500 euros.